gens et on s'imagine ce qu'ils font et ce qu'ils vont faire, où ils vont. D'accord. Donc t'imagines la vie des gens quand tu les regardes, c'est ça? Oui. Oh, c'est allé, je la trouve très bien parce que il n'y a pas beaucoup de bruit, t'es tranquille. Tu peux parler avec toi-même. Ouais. C'est... Ah, tu parles avec toi-même? Ouais. D'accord. Mais en fait, c'est important pour moi. Et puis c'était avec un ancien copain qui s'appelait Antoine et des fois on se rejoignait ici et voilà, mais il est parti de l'école. Pourquoi tu prends une photo ici? Bah parce que c'est la route pour aller à l'école et j'y vais souvent. Ça c'est pareil, je passe tout le temps devant et je le trouve joli parce qu'il a beaucoup de choses dessus. Bah là il y a une ruine de château, enfin ouais. Je sais pas si c'est une ruine mais... C'est si, ouais je pense. Hein. Il y a des. Il y a un peu des. Comme des gens dans l'école qui parlent de ce château, mais. Tu penses que c'était. Il y a de l'histoire ici? Bah en fait ils disent. Il y a des gens dans notre école qu'il avait vu le mec qui habite. Qui le garçon. Le monsieur? Oui, qui habite ici. Ouais. Alors ça te fait un petit peu peur ou... Non. Non. Je pense qu'on est ici. Tu pars dans un autre chemin, il y a des gens qui sont méchants. Ouais. Mais une fois, j'ai croisé des hippies. Ah, ouais. J'ai rien contre les hippies, mais c'est juste que c'était étrange. Ouais. C'était pas commun. T'es pas habitué. Je préfère passer des endroits où il y a beaucoup de monde que d'être tout seul. Quand c'est une petite rue. En fait, le truc qui est bizarre, c'est un peu extraordinaire. On a pris... l'espèce de lion bonhomme. Ouais. Et les ouais. Après, quand j'étais petite, on disait que cet arbre-là, c'était l'arbre qui faisait fuir les singes. Et ben, parce qu'en fait, avant, il y avait un chien ici. Tous les matins et tous les soirs, il venait. En fait, il me connaissait. Tous les matins et tous les soirs, il venait. Et puis, bah, il est plus là depuis. Ça va faire un moment. Et je crois qu'il est mort. Là c'est la rue Arsenal, ouais. Je crois. Ouais. Est-ce que tu le lis sur le oui. Sur la pancarte? Je pense que c'est un endroit repère. Si quelqu'un ne sait pas, bah je pense qu'il peut partir de ça. On mange du pain et des pommes, comme ça je dis. Et c'est les points de repère, je pense que c'est important, oui. Comme ça, si une personne ne sait plus trop, bah elle sait que par là. Il y a des vestiaires filles, garçons, forcément, parce qu'on ne veut pas les mélanger. C'est un endroit, aussi un endroit repère. Il n'y avait pas les barrières qu'on a vues et tout. Ah, oui. Sécurisé. Voilà. Amélioré aussi. Il y a quand même, je sais pas moi, 5 petits pourcents qui sont en respect pour ceux qui l'ont installé aussi. Puis 95%, bah, c'est pour la sécurité, parce que je suis plus à l'aise. C'est un endroit repère aussi. C'est... assez... Je l'ai pris quelques fois, j'aime bien parce que c'est encore plus tranquille. T'as jamais de voiture qui passe par ce chemin. Mais aussi ce chemin, eh bien, c'est juste qu'il y a beaucoup de passages piétons, c'est un peu embêtant. D'accord, et comment tu le trouves ton chemin? Ouais. Bah parce que je sais par cœur. Comment tu la décrirais cette école? Privée. Privée? Enfin... Ça dépend de quoi du temps? Ça dépend du temps que tu as ou... du temps, pas trop, parce que j'ai des fois des parapluies et un parapluie... Ouais. Bah, s'il pleut à la fin de la journée, je rentre sous la pluie. Tu rentres sous la pluie? Oui, mais sinon... Bah, ça dépend des jours. Des fois, j'ai envie de me presser, des fois, j'ai envie de prendre tout mon temps. Ouais. Bah... je prends ce chemin-là quand j'ai beaucoup de temps ou que ça va, tu peux faire tranquille. Moi, j'ai un autre chemin pour quand j'ai un peu moins de temps. Moi, le réveil, c'est très dur. Parce que des fois, quand j'arrive pas à me coucher, ben, je me couche tard, par exemple à 23h. Et du coup, le matin, je suis... Non, et en plus, on devra travailler encore plus dans l'école pour le mercredi entier. Donc, oui. Travailler plus pour un truc qu'on n'aime pas vraiment. Et là, j'ai une histoire à raconter. Ah, super, on va au bout. Bon, alors. Une histoire un peu... Elle est pas très drôle? Dingue. Oh. Elle est tout derrière. Ça va nous faire de la marche. Bah pour marcher, c'est mieux pour le corps. Et en voiture, tu vas plus vite alors que ça sert à rien. Juste parce que tu fais un petit chemin. En plus, pour le réchauffement climatique. Et après, souvent, quand je pars à 16h, bah, je dois être à 17h au maximum à la maison. Donc, voilà. Et alors ça, tu trouves ça bien de pouvoir avoir un peu de liberté comme ça ? Ouais, c'est ça, parce que c'est pas comme si je devais partir à 16h15. 16h30, je devais être à la maison, du coup, je devrais en plus aller... Et en plus, le mercredi pour le jeudi, on n'a pas de devoir. Oui. C'est exprès pour se reposer. Ouais. Mais moi, ça me fait rien, parce que du coup, les devoirs pour mercredi... Parce que moi, je dois tout faire le week-end parce que j'ai beaucoup d'activités. Ouais. Avoir de l'oxygène mieux. En plus, ça absorbe la pollution. La pollution, ouais. Ça nous isole mieux. Ouais. Surtout sur les murs. Les murs de jetons. Ça isole mieux. Ouais. Sinon, moi, je me rends pas compte si on est bientôt arrivé. Là, j'aime bien aller parce que je vais souvent sur le... Bah, depuis toute petite. Tu marches sur le petit muret ? Oui, depuis toute petite. Et j'étais toute seule dans le bus. D'accord. J'étais moi et j'avais personne. Tu étais toute seule à Rennes, en bus ? Oui. Ça va ? Il y a plein d'autres des histoires, mais faut que je trouve où je les ai faites. Eh ben, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu dirais de cet endroit à quelqu'un qui ne le connaît pas ? Qu'elle est fabuleuse. Fabuleuse ? Oui. Je peux faire des photos de tout part parce que j'aime tout. T'aimes tout ici ?